mains, meurtrissent mais l'amour, et puis donner la vie. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui comprend des zouk antillais, bon ben ça c'est une constante, hein, vous le savez, un voyage musical au Kenya et trois coups de chapeau à Hippocampe Fou, et puis une balade autour du nom des animaux de la savane, dont précisément les noms sont évoqués dans les chansons. Bon, vous verrez tout ça. Allez, on attaque par le premier coup de chapeau à Hippocampe Fou. Alors, Hippocampe Fou, ben, c'est un rappeur français qui est né en 1984 et son style musical se situe entre MC Solar et Bobby Lapointe, et il se décrit lui-même comme un rappeur aquatique. Fallait pas rigoler, Hippocampe Fou. Fallait racheter des capotes, mais tu t'es bien fécondé. Et dans deux jours elle avorte, t'es sortie picolée. Tu viens de rentrer, elle te demande de la réconforter. Là, faut pas rigoler, c'est pas facile vu que t'es torché. Faut pas rigoler, t'as envie de blaguer sur l'IVG. Faut pas rigoler, tu sens l'émotion qu'il a ça. Et la tête posée sur son bassin, tu dis que tu veux qu'on le garde dans un bocal. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. C'est le rôle de ta vie, le plan le plus cher du film. Tu dois te raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réel vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Faut pas rigoler, t'entends le bruit du détonateur. Faut pas rigoler, t'as les sinus qui piquent. Rien ne pouvait arriver de pire. T'éternues sur l'objectif avant d'éclater de rire. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Trompé d'étage à l'hôpital, tu te retrouves dans l'unité de soins palliatifs, c'est abominable. T'entends des cris d'agonie que tu peux pas ignorer. Tu croises la famille d'un malade là, faut pas rigoler. On dirait des cris de plaisir, faut pas rigoler. Ta bédave avant de venir, faut pas rigoler. Soudain t'es pris d'empathie et pour t'en sortir, tu te lâches et tu dis moi aussi je veux de la morphine. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Tu dansais dans la rêve partie, tu te réveilles dans un cabanon, séquestré par un type sans répartie dont l'esprit vagabond. T'es isolé, terrorisé, donc t'essaies d'ironiser. Mais là faut pas rigoler, il a une voix ridicule. Faut pas rigoler, il est trop petit son pull. Faut pas rigoler, tout ça n'est pas si marrant. Mais là tu te rappelles que pendant la rêve t'as pris du gaz hilarant. Quand t'as l'estomac noué, quand tu bois la tasse, le rire c'est ta bouée, c'est ta carapace. L'humour faut bien l'avouer, peut sauver la face, mais parfois vaut mieux pas glousser, attendre que ça passe. Fallait pas rigoler, fallait pas rigoler, fallait pas rigoler, fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Et si nous partions en voyage, allez, je vous propose de partir dans l'Afrique de l'Est, à la République du Kenya. Alors, les pays limitrophes sont le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, l'Ouganda et la Tanzanie. Bon, le pays est bordé par l'océan Indien au sud-est et le lac Victoria à l'ouest. 50 millions d'habitants, dans un pays où la superficie est voisine de celle de la France, capitale Nairobi, 2 800 000 habitants, et autres villes importantes, Mombasa, 800 000 habitants, Kisumu, 400 000, et Nakuru, 300 000. Alors, le Kenya, ben, c'est un pays de savane, de région lacustre, la vallée du Grand Rift et des zones montagneuses, dont le mont Kenya, qui lui culmine quand même à 5199 mètres. Allez, une chanson kenyane, Ondiek Ayub, O Gabda. na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ero nagi nagi nagi rock no mana lepto chende Unde kero na lawai baba nagi urku Ero nagi nagi nagi rock no mana lepto chende Na na na na baba we Na na na na we Na na na na baba we Na na na na we Tukunde monyo nogolie machiro Tukunde monyo nogolie mana machiro Kamongiyo, hiro to woke Unde gero la wai baba Ero nagi nagi nagi rwako no mana lebjo chinde Unde gero la wai baba Nagi nagi nagi rwako no mana lebjo chinde Na na na na ooh, baba we. Na na na na we. Na na na na ooh, baba we. Na na na na we. La première chanson que nous vous proposons pour cette promenade en chanson sur les animaux de la savane, c'est une chanson africaine composée par Salomon Linda en 1939. Alors, la chanson fut d'abord enregistrée au studio Gallo de Johannesburg contre l'équivalent de 2 euros. Un grand succès accompagna l'œuvre dans le monde entier. Et alors que la loi britannique prévoyait de reverser des droits à son auteur jusqu'à 25 ans après son décès, les studios Gallo ne versèrent jamais de redevances à Salomon Linda, qui mourut dans la pauvreté. En France, la chanson fut popularisée par Henri Salvador, puis reprise par le groupe Powo, et plus récemment par les Kid United Nouvelle Génération. Le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort. deuxième coup de chapeau à Hippocampe Fou, une chanson avec Gaël Faye. Tout est prêt pour mon départ, mon passeport, mon poster de Falcor et mon guide du retard, mon baril de biafine et mon cadran solaire à pile. Presque rien, Hippocampe Fou. De Falcor et mon guide du retard, mon baril de biafine, mon cadran solaire à pile, mes bottes à talons d'Achille et des œufs de poisson d'avril, mon aspirateur de nuages gris, mon orgue de barbarie, un shampoing anti-boue en cas de tachycardie, mon bâton pluie pour rafraîchir mes tympans, ma poudre de fédulogie pour nettoyer mon tapis volant, mes mots fléchés, mon jeu d'échecs et mon scrabble, mon carnet de santé, mon éthylotest en forme de poupée gonflable, mon bananier, mon détecteur de métaux pour retrouver mon moral d'acide, mon maillot, mon déo, mon réchaud, mes Lego pour bâtir des châteaux où mes vilains défauts pourront se cacher, un sac poubelle en guise de linceul pour répondre au silence sans réfléchir, un smiley clin d'œil, mon matelas futon, mes stylos sans capuchon, en clair je fourre le strict nécessaire dans mon baluchon. C'est simple, je suis un mec serein. Pour mon bien-être, je n'ai besoin de presque rien. Des fesses rebondies, une jolie paire de seins, quelques babioles, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joint. C'est simple, je suis un mec serein. Pour mon bien-être, je n'ai besoin de presque rien. Des fesses rebondies, une jolie paire de seins, quelques babioles, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joint. Tout part à volo, ainsi va la vie. Je lève les voiles pour m'en aller voguer. J'emporte avec moi un tas de bricoles, cahier spirale de mes rimes frivoles. Mon charabia, mon picapia, mon Picasso et mon pote Picassiette. Et dans mon sac, un soupe de cassettes, de zouk, de zik, de type à casquette. J'emmène loin mon ghetto blaster sur des plages de sable fin. Mes mots cassés dans mes calepins, boubou de bazin et mocassin. Et des lapins sous mon chapeau pour les poser où je viendrai pas. Au rendez-vous des pôles emploi quand je serai sur l'île de Koh-Lanta. Je prends ma canne à garder la pêche pour attraper des poissons clowns et des casquettes raton laveur et toutes mes chaussettes assez cool, des pretzels peace and love et mes patins à glace à la vanille, des visas à vie pour des paysages sans vis-à-vis. Je me fais la malle pour une femelle, je suis un chat, je voyage léché, je prends mes sandales sans leurs semelles car je veux mettre le vent à mes pieds. J'oublie pas ma couscoussière demain, hasta la vista, dans mon sac de mec serein. C'est simple, j'ai presque nada. C'est simple, je suis un mec serein. Pour mon bien-être, je n'ai besoin de presque rien. Des fesses rebondies, une jolie paire de seins, quelques babioles, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joint. C'est simple, je suis un mec serein. Pour mon bien-être, je n'ai besoin de presque rien. Des fesses rebondies, une jolie paire de seins, quelques babioles, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joint. Allez, on revient au Kenya. Visitez le musée national de Nairobi. Observez les déplacements majestueux d'un troupeau d'éléphants. Assistez à la grande migration des gnous, mais oui. Allez d'île en île dans l'archipel de Lamu au rythme débonnaire d'un boutre. C'est en tout cas ce que préconise le guide du routard, et non pas le guide du retard. La vallée du Rift, un annulement de spectaculaires dépressions et de magnifiques lacs pour la plupart alcalins, bordés de hautes falaises et d'anciens volcans. Et puis la réserve naturelle de Masai Mara, le parc le plus connu du Kenya. En réalité, une réserve toujours habitée par les Masai et grand safari, on pourra assister à la grande migration des gnous. Et le lac est le parc national de Nakuru, un lac alcalin lui aussi habité par une colonie de pélicans, paradis ornithologique et rendez-vous des gazelles, des zèbres, des buffles et des rhinocéros. Il y a le parc national aussi d'Ambozelli, avec des éléphants, des buffles, des gnous, des gazelles, hippopotames, et en arrière-plan, la silhouette majestueuse du Kilimandjaro en Tanzanie. Le parc de Tsavo, une colline parsemée d'épineux et de baobabs, une savane peuplée de grands mammifères et surtout d'éléphants. Diani Beach, une station balnéaire à la côte méridionale, oh, son lagon couleur turquoise et son sable blanc vous laisseront pas indifférents. L'île de Lamu, une vieille cité swahili qui vit au rythme nonchalant de la culture locale et des traditions islamiques, des anciennes maisons arabes et coloniales et les villages traditionnels. Et puis, oh, y a tellement de choses à faire au Kenya. La réserve de Samburu, la magie de l'oasis dans le semi-désert, le spectacle des éléphants et des crocodiles dans un décor de savane sèche, peuplé de girafes et de zèbres. Chanson kenyane, Ritwa Kiaku, Eric Vainana. Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Guatera ira, Tout s'use si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre. Il trouve, pour ce souci des facéties, c'est la promenade autour des animaux de la savane, le zèbre Alain Souchon. Que des aurores et nos baisers, que des baisers. Boule unique, voilà notre amour, sous les coups de pied du jour le jour. Car tout s'use si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre. Il trouve pour ce souci le drôle de zèbre des facéties. Tout va le dingue changer sa bobine pour retrouver l'aubépine. Les cœurs nous piquant davantage, changeons qui nous sommes, changeons d'âge. Car nos aurores ne sont que des aurores et nos baisers, des baisers. Les congèles de la vie provinciale prennent notre cœur et nous le rendent glacial. Car tout s'use si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre. Il se déguise et il te ment, il met la main sous tes vêtements. C'est quelqu'un d'autre et cette nouveauté rend ta joue plus colorée. C'est quelqu'un d'autre. C'est nous, où en sommes-nous, où en sommes-nous? Car tout s'use si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre. Ce souci, le drôle de zèbre des facéties. Un voilier qui s'en va d'ici et le zèbre s'efface ainsi. Quel drôle de facétie. Du zouk, du zouk, vous voulez du zouk? Eh bien voilà. La chanteuse Kim, issue d'un métissage martiniquais et espagnol, est née en 1990 à Paris. Et dès son plus jeune âge, elle est fascinée par les grandes voix telles Maria Carey, Céline Dion, Whitney Houston. Puis plus tard, elle s'inspire des grandes du zouk francophones comme Princess Lover, Perle Lama, Perle Nama, qui n'est autre que la fille de Jocelyne Berroir, Cham ou encore Sly. Et de ce mélange hétéroclite est né le style Kim, le seul pour moi, Kim. Coucou maman. Je serai toujours là pour toi. Bien sûr que tu es mon ange, moi. J'assurerai le moindre de tes pas. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je serai toujours là pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. troisième coup de chapeau à Hippocampe Fou. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, bon, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Et dans le fond, on a tous besoin d'un peu d'oseille. Dans le fond, Hippocampe Fou. Depuis la perte de son emploi, le barbier rase les murs. Au petit-déj, le buraliste avale un bol d'air pur. Le conducteur de bus décore son habitacle. L'opticienne a perdu de vue sa jumelle astigmate. Pour combler sa calvitie, le chirurgien se fait des implants mammaires. Quand il s'agit de faire un bridge, le dentiste ramène sa fraise. Le charpentier rêve de monter sur les planches pour embraser la vendeuse de parfum qui pue l'essence. Tous les soirs, le rôtisseur mange du poulet froid. Le maire fricote avec la blanchisseuse et complote sous les draps. Le père Noël est à découvert, il prépare un coup d'état. Le ramoneur les a découverts et le crie sur tous les toits. Laissez-moi vous dire, ma petite Fernande, qu'on ne peut accorder qu'un mince crédit à une personne couverte de suie. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Le serrurier s'est fait voler les clés de sa boutique. On soupçonne l'accordeur d'user du lieu pour l'acoustique. L'agent secret espionne les ambassades, peintre en bâtiment et son métier de façade. Le primeur surfe sur la vague bille. Quand il croise une cliente, il lui met la main au panier. Le chauffeur de taxi est un peu schizo. Il châtie son langage avant de jurer comme un chartier. L'imam rabbin curé surveille son planning très chargé. Le pâtissier tripote des religieuses au café. Le promeneur de chiens cherche la merde dans le quartier. L'hôtelier loue des toilettes avec chambre sur le palier. Elles sont récurées de fond en comble, une fois par mois. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Le quincailler a plus de vices que de vertus. Le chercheur est perdu, la voyante a la berlue. Le boucher considère sa femme comme un bout de viande. Elle vend son corps dans une chambre froide tandis qu'il flambe. L'épouse du pédicure rêve de prendre son pied. Elle a besoin des bons tuyaux du clan des sapeurs-plombiers. L'ostéo joue au sorcelet, le banquier a la bonne paye. Le croque-mort fait du bobsleigh dans un cercueil sur du gospel. Le fossoyeur rouille des pelles au jardinier. Il cultive le mystère face au vieil artisan glacier. Paraît que le sommelier est coincé dans les bouchons. Y'a pas de son métier, m'a dit le roi des bouffons. Des artistes ? Des feignants, oui. On a tous un rôle précis dans cette fourmilière. Les gens se bousculent et s'ignorent en suivant leur filière. Moi j'observe le va-et-vient et les savoir-faire. Chez moi je ne chôme pas, mais j'écris parfois les fesses à l'air. Dans le fond, on est tous pareils. Dans le fond, on a tous la flemme. Dans le fond, on a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Dans le fond. Dans le fond. Dans le fond. Dans le fond. On est tous pareils. Dans le fond. On a tous la flemme. Dans le fond. On a tous sommeil. Mais on a tous besoin d'un peu d'oseille. Dans le fond. Et dans la forme alors ? Bon appétit au Kenya. Bon, il est difficile de parler de grande gastronomie dans un pays où on a déjà du mal à se nourrir. Bon, cela dit, il faut pourtant bien s'alimenter, n'est-ce pas ? Un menu peu varié, les Kenyans recherchent avant tout des plats roboratifs qui tiennent au ventre et pour un prix raisonnable. Alors souvent, c'est un ragoût de haricots dans lequel baignent quelques morceaux de viande. Oh, les viandes sont symboles d'aisance. Ça sera du mouton, de la chèvre, du poulet et quelquefois du bœuf. Le Nyami Choma, de la viande grillée, est le plat national. Alors des morceaux de chèvre passés au barbecue, accompagnés de maïs et de bananes plantains. L'ougali, c'est une sorte de porridge de maïs concassé, très ferme, et il faut bien le dire, sans saveur. La cuisine végétarienne est à base de maïs, bananes plantains, haricots et épinards. Cela dit, la cuisine indienne est également présente au Kenya avec des assortiments de petits plats, les currys, le poulet tandoori et les plats à base de riz, pommes de terre, lentilles, fèves et pois chiches. L'Irlo Kikuyu, ah, c'est marrant ça, l'Irlo Kikuyu, c'est marrant, est un plat à base de pois, pommes de terre, maïs et bananes vertes, alors roboratif et vraiment sain. Et puis n'oublions pas le poulet façon lamou, au lait de noix de coco. Et sur la côte de l'océan Indien, ben, poissons et crustacés, requins, espadons, barracuda, langoustes et crabes. Les fruits les plus courants ben, sont la papaye, la mangue, l'ananas, les bananes, l'avocat, le fruit de la passion, les pastèques et les melons, les pois. Bon, quand on fraise, on sera prudent, on évitera à cause des amibes. Chanson kényane, Afadhali Yesu. Les animaux de la savane, tiré du deuxième album des Frérots de la Veilla, d'ombre et de lumière, le chœur éléphant séduit un large public à sa sortie. Une chanson pas aussi légère qu'elle en a l'air, et elle évoque l'envie de s'évader et de marcher vers de nouveaux horizons. Le chœur éléphant, les Frérots de la Veilla. Je pars en voyage, mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Zouk encore. Allez, avec Perle Lama. Elle est née en 1984 à Fort-de-France, en Martinique. Et depuis l'âge de 9 ans, elle vit en région parisienne. Alors, Perle Lama, si elle n'est pas la fille de Serge Lama, bien sûr, Perle est bel et bien celle de Jocelyne Berroir, comme je vous le disais tout à l'heure, la célèbre chanteuse du groupe Kassav. Comme l'air, Perle Lama. J'y crois en Allez, quel souvenir pourra-t-on ramener du Kenya? Bon, le souvenir star, c'est la sculpture en bois. Alors, on a le choix entre, d'une part, les animaux de la savane, les éléphants, les lions, les léopards, les hippopotames, buffles miniatures, ou girafes en taille réelle. Alors là, c'est plus difficile à ramener quand même. Et d'autre part, les représentations des Maasai, une population d'éleveurs. Toujours concernant les sculptures, les Macondes sont d'un style abstrait et en ébène, avec un prix bien entendu plus élevé. Autre star, les batiks. Vous savez, ce sont des peintures sur étoffe. L'artisanat Maasai est incroyablement riche. Des perles multicolores, des bracelets, des colliers, formidables. Pour sortir des souvenirs classiques, on découvrira la pierre savon. Elle aussi, elle est sculptée. Et puis les Kiondo sont de jolis sacs. Par contre, il faudra vérifier que le fond est bien en cuir. Quelquefois, il est simplement en carton. Les Kangas, des vêtements avec des motifs multicolores, ornés de dictons en swahili. Enfin, les pierres précieuses. Mais attention, prudence, on aura vite fait de se faire fourguer de faux rubis ou de fausses tanzanites. Alors, ne jamais acheter dans la rue des pierres précieuses. C'est un bon conseil et c'est une règle de base. Chanson kenyane, Wahina, Susanna Owiyo. Watch my ring.

intitulé « La cerise sur le canto-patchwork ». Et puis, si vous avez manqué l'émission, ou si d'aventure vous avez envie de la réécouter, pourquoi pas, ça peut arriver, il y a des vicieux partout, eh bien, vous vous rendez sur le site de la radio, Radio Fagette Nancy, vous allez dans la rubrique « Les émissions », vous cherchez votre émission, en l'occurrence « Patchwork » ou « La cerise sur le canto », c'est sur la même ligne. Vous cliquez et vous avez droit à un podcast qui reprend toute l'émission. Mais attention, ce n'est valable qu'une semaine. La semaine d'après, c'est fini, c'est à nouveau l'émission qui suit. Voilà. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net, fagette.net, en ligne. Au revoir.